Vous avez pensé à tout. Envoyer l'email à votre boss, récupérer les enfants à l'école, acheter le pain. Vous maîtrisez absolument, parfaitement, totalement la situation. Et puis soudain, elle vous demande « Tu as pensé à commander du café ?» Découvrez l'abonnement Nespresso. Choisissez votre forfait café Nespresso et profitez d'une machine à 1 euro. Nespresso, what else? What else, quoi d'autre? Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois, voire modalité complète sur Nespresso.com. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, une histoire abracadabrantesque, comme dirait qui vous savez. L'affaire dite Vater d'Assaut, ou comment un directeur comptable, Hervé de Vater, a mis les comptes de Marcel Dassault sous les feux des projecteurs médiatiques et politiques. Marcel Dassault, l'un des patrons français les plus puissants de l'après-guerre. Cette affaire éclate à la fin de l'été 1976. D'abord policière et cocasse, elle devient vite politique et morale. En effet, pour la première fois peut-être, les carnets de compte de l'un des fleurons industriels français sont racontés, expliqués, débattus. Tout n'y est pas dévoilé en détail, mais une partie du voile se déchire. Face à l'émoi suscité par ces révélations, le Parlement et le gouvernement remettront en cause une partie de la stratégie aéronautique de Marcel Dassault avec l'entrée de l'État au capital de la société. Notre invité aujourd'hui est le journaliste Jean-Marie Ponctot, qui était à l'origine d'une partie de ces révélations pour le journal Le Point. Spécialiste des affaires policières et judiciaires, il a également créé le service Investigation de l'Express et il est l'auteur, avec Philippe Broussard, du livre intitulé « Les grandes affaires de la Ve République ». Nous le retrouverons en duplex d'Ajaccio. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Avant le 6 juillet 1976, Hervé de Vater est un homme sans histoire. Ce matin-là, quand il se rend à l'agence BNP du 24 avenue de la Grande Armée à Paris, personne ne doit se retourner sur lui tant il paraît banal, comme tant d'autres. Ni chevelu, ni chauve, non, juste dégarni, ni trapu, ni maigre, juste dans la moyenne. Vater a la physique de son métier, directeur des services comptables. Sa vie est une succession d'additions, de jours, de mois, d'années. Marié, père de deux enfants, il peint, il sculpte, il lit. La semaine, il vit dans un appartement dans le 16e arrondissement de Paris. Le week-end, il rejoint sa maison de campagne dans l'Oise. En 1976, Hervé de Vater a 49 ans. Il a passé la moitié de sa vie au sein du groupe Dassault. Un quart de siècle de bons et loyaux services qui valent au directeur comptable la confiance du patron, Marcel. Une confiance qui lui confère aussi un droit de signature. À la BNP de l'avenue de la Grande Armée, tout le monde le sait. Alors, ce 6 juillet 76, quand il demande le retrait de 8 millions de francs, personne ne s'en émeut. On demande juste un petit peu de temps comptable afin de réunir les 16 000 coupures de 500 francs. Rien que ça. En attendant, Hervé Vater se rend comme chaque jour dans les bureaux du rond-point des Champs-Élysées de l'entreprise Dassault. Et puis, à 11h30, il repart à la banque, prend les deux valises et s'en va. À 14h30, par précaution, le directeur de l'agence informe le bras droit du patron, Pierre Guillain de Bénouville, du retrait de monsieur le directeur des services comptables. 8 millions, le bras droit se renseigne. Non, rien. Monsieur Dassault n'a mandaté personne à ce sujet. Bénouville appelle alors le bureau de Vater. Personne. Conclusion, le patron a été volé par l'un des siens. Dans la foulée, une plainte est déposée. Alors, le 36 et toutes les polices de France se mobilisent pour retrouver Vater. Chez les Dassault, c'est le choc. Mais enfin, pourquoi cet homme au-dessus de tout soupçon a-t-il fait ça? Comme certaines comptabilités, la vie de Vater est double. Tout a basculé en vérité quand sa femme est tombée malade. Il a vu sa vie sombrer. Un soir de cafard, il a rencontré une jeune femme, une entraîneuse, Bernadette. 20 ans les séparent. Elle offre sa jeunesse, lui l'argent. Hervé délaisse sa femme et ses habitudes. Il sort, il dîne, il rencontre les amis de Bernadette et parmi eux, Daniel et son amant, Jeanquet. Ce Jeanquet, c'est l'opposé d'Hervé de Vater. Jeune, beau, aventurier, ce fils de militaire a fait ses armes du côté de chez l'OAS avant de devenir mercenaire au Biafra, au Yémen et en Angola. Qu'est servi ensuite l'arme au cœur, humanitaire terroriste, oui, en prenant en otage des passagers d'un avion dont la rançon n'était autre que l'envoi de médicaments pour le Bangladesh. Original. Lors de son procès, André Malraux témoigne en sa faveur. Et l'accusé s'en tire avec du sursis. En 1972, après plusieurs mois de détention provisoire, le pirate de l'air s'exprime à la télévision. J'ai décidé depuis 2 ou 3 ans de lutter pour les causes perdues. Oui, je lutte depuis 10 ans pour les causes perdues. Mais dû lutter surtout pour ceux que l'on piétine. Vous sortez de prison aujourd'hui, quels sont vos projets maintenant? Les projets, me rétablir doucement et goûter les joies de la pêche. Oui, bon, la pêche, ça va un temps. Jeanquet ne se rangera jamais. Le 6 juillet 76, après avoir récupéré l'argent, c'est lui qu'Hervé de Vater retrouve. Mais comment ont-ils imaginé ce coup? En juin 76, quelques mois après le décès de Madame de Vater, Hervé, Bernadette, Daniel et Jean s'envolent vers Miami pour quelques jours de vacances. C'est là-bas que le comptable évoque auprès de son ami un mystérieux dossier qu'il constitue depuis des semaines. À l'intérieur, des photocopies prouvant les malversations des entreprises d'assaut. Jeanquet y voit immédiatement une opportunité de se faire de l'argent. Alors Vater l'écoute, puis flanche. Sauf que Hervé de Vater reste quoi qu'il fasse un comptable, pas un truand. Ce 6 juillet 1976, après qu'il a pris la route vers la Suisse, l'argent du patron, le dossier de photocopie et l'ami aventurier se volatilisent. Vater s'est fait avoir comme un bleu qu'il est la preuve. Le lendemain, il téléphone à son gendre et comprend que la police le cherche. Paniqué, il rédige une note de 17 feuillets dans lesquels il raconte par le menu ses mésaventures ainsi qu'une partie des éléments présents dans le dossier dérobé par Jeanquet. Ces feuillets écrits à la main, Vater les envoie à sa famille afin qu'ils soient transmis à Marcel Dassault. Quand le patron floue et découvre les confidences de Vater, il en informe les autorités. Et c'est ainsi que, durant l'été, les confessions de Monsieur le comptable font le tour des hiérarchies policières, judiciaires et ministérielles sans qu'aucun journal ou journaliste ne soit mis au courant de l'affaire. À la mi-août, de façon surprenante, Marcel Dassault décide de retirer sa plainte à l'encontre de son ancien directeur des services comptables. Pourquoi ? Eh bien, il se trouve que le vieil homme a reçu une lettre du père d'Hervé de Vater. Cher monsieur, nous savons, ma femme et moi, que vous êtes un homme bon et charitable. Certes, Hervé a commis une faute irréparable pour lui et pour nous. Mais à son sujet, nous craignons le pire, c'est-à-dire un geste de désespoir, alors que nous sommes persuadés qu'il n'est en rien le bénéficiaire de cet acte déplorable. Alors, est-ce trop vous demander qu'après un quart de siècle de collaboration de notre fils avec vous, de collaboration dévouée et honnête, vous pardonniez ce geste d'un instant en retirant votre plainte et votre constitution de partie civile? Nous reconnaissons qu'il n'y a pas de mesure entre ce qu'il a fait et ce que nous vous demandons. Mais il s'agit de le sauver du désespoir et par là même, sauver son âme. Il faut agir très vite. « Ému, Marcel Dassault s'exécute. Oui, il fait une croix sur son argent, comme sur les méfaits de son ancien homme de confiance. Voilà, l'affaire aurait pu s'arrêter là. Sauf que, le 3 septembre 76, les mésaventures du patron français font la une. C'est une bien mystérieuse affaire qui vient d'apparaître au grand jour dans les milieux de l'aéronautique. Depuis 2 mois, l'un des hommes de confiance de Marcel Dassault a donc disparu en emportant la coquette somme de 8 millions de francs. Hervé de Vatter, disparu dans des conditions extrêmement mystérieuses, ferait sans aucun doute le héros d'un best-seller qui aurait pu être écrit tout à la fois par Paul Guimard, Romain Gary et Gérard de Villiers, avec, vous savez, le ras-le-bol du quinquagénaire, une intrigue internationale, des dossiers fantômes, et en tout cas ce qui est concret, une disparition d'un homme et de 8 millions de francs. Une double question, Hervé de Vatter a-t-il été le jouet finalement d'une banale escroquerie ou donc a-t-il été entraîné indirectement dans une affaire qui aurait des implications internationales? Et c'est donc du côté de Beyrouth que les policiers vont orienter leurs recherches. Il n'est pas exclu non plus que Janquet et son ami aient pris la direction des États-Unis avec ses 800 millions qu'il a réussi à extorquer à Hervé de Vatter et à la firme Dassault. Les 800 millions seraient dans la poche de Janquet, destination inconnue, m'a-t-on dit, au Quai des Orfèvres. C'est la police, figurez-vous, qui révèle l'info et qui annonce dans le même temps la délivrance de 2 mandats d'arrêt internationaux contre messieurs de Vatter et Quai. Oui, mais pourquoi les autorités ont-elles attendu 2 mois? Mystère. En tout cas, cette histoire autour de Marcel Dassault intéresse toutes les rédactions de France et de Navarre. Parce que quand on entend Dassault, on pense ouragan, mystère, mirage, mercure, falcon, du nom de ces avions militaires et civils qui ont fait la renommée de la France et de cet homme. Capitaine d'industrie, patron de presse, ancien résistant, député depuis 1958, Marcel Dassault, 84 ans, est à la tête d'un empire convoité et critique. Le principal appareil de sa flotte industrielle est la Générale Immobilière Dassault, qui possède les actions de diverses sociétés filiales, dont la plus importante est la Société des avions Marcel Dassault-Breguet. Cette filiale aéronautique, fleuron de l'industrie française, emploie alors plus de 15 000 salariés et enregistre en 1975 un bénéfice net de 104 millions de francs. Sensible, l'affaire l'est, assurément, bigrement même. Alors, pour éviter l'emballement et les répercussions sur les négociations de futurs contrats, Marcel Dassault contre-attaque dès le 3 septembre par la voix de son bras droit, Pierre Guillain de Bénouville, qui se met immédiatement en mode « Une affaire, mais quelle affaire ?» En général, quelqu'un que vous connaissiez bien part d'ici avec 800 millions, en porte-plainte contre lui et vous lui gardez toute sa confiance. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'avant de le condamner, nous voulons savoir ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous avons mis en route la police et la justice, à qui nous faisons confiance et qui continuent de faire leurs recherches. Mais il est parti avec de l'argent qui ne lui appartenait pas. C'est vrai. C'est vrai, c'est l'affaire de la police. Alors selon vous, pourquoi? Avez-vous une petite idée? Je n'ai aucune idée, aucune idée. Je sais qu'il a pris cet argent, qu'il n'aurait pas dû le prendre. Et je sais que, avant de le condamner, nous avons voulu comprendre s'il n'avait pas été l'instrument de quelqu'un d'autre. Ça nous paraît improbable qu'un homme qui a toujours été honnête, un bon matin, se révèle un voleur. Les médias ont pour l'instant très peu d'informations. Alors, ils imaginent. Vatter, mort sans doute. Soit de honte, soit victime de son acolyte. Et Janquet, il doit être avec des combattants indépendantistes ou au soleil avec le pactole. Passer du temps et du bon temps allongé sur un transat, regardant passer les avions qu'il n'a plus besoin de détourner, désormais et même pour la bonne cause. Pour la police, Janquet, précisément, c'est la clé de cette histoire. Oui, mais l'homme est malin. Ses années dans la clandestinité compliquent sérieusement la tâche des policiers. Provocateur, il va même jusqu'à téléphoner au journal L'Aurore pour indiquer qu'il ne sait rien de cette affaire, mais qu'il refuse de se rendre. Alors, la traque se poursuit. Mais entre-temps, l'affaire franchit les frontières. On en parle même dans le New York Times. Sur le marché des armes et des avions militaires, Marcel Dassault est un sérieux et redoutable concurrent des Américains. Ce qui intéresse particulièrement ces journalistes, c'est le dossier constitué par Hervé de Vatter sur les opérations financières et immobilières de Dassault, ainsi que ses confidences rédigées le 6 juillet à la suite de la perte du dit dossier. Quelles sont donc ces opérations que M. de Vatter n'approuvait pas ? S'agit-il de pots de vin pour obtenir des marchés ? Depuis 2 ans, les négociations sur le marché de l'aéronautique civile et militaire font la une dans de nombreux pays. Et puis tout de même, on se souvient qu'en 1974, lors de négociations pour des contrats avec la Belgique, la Hollande, la Norvège et le Danemark, avec à la clé une commande de 350 avions de combat pour une valeur de 18 milliards de francs, l'entreprise Marcel Dassault avait été accusée de corruption. Rien ne sera prouvé, mais l'avionneur français perd ce contrat du siècle. Deux ans plus tard, en 1976, quelques mois avant la disparition d'Hervé de Vatter, c'est le constructeur américain Lockheed qui se retrouve au cœur d'un scandale international à la suite de la découverte de pots de vin versés à des personnalités de premier rang. L'affaire éclate en Allemagne de l'Ouest, puis se propage partout. Le premier ministre japonais, emporté dans cette tourmente, est même obligé de démissionner. Alors, en septembre 1976, avec cette histoire rocambolesque autour du comptable de Dassault, eh bien, dans les salles de rédaction, on s'interroge. Mais oui, si cette affaire Vatter cachait un autre scandale. Et le 8 septembre, une information inattendue relance l'affaire. Bonjour, rebondissement dans l'affaire Hervé de Vatter. Le collaborateur de Marcel Dassault est de retour à Paris. Il a été interpellé dès son arrivée par la police de l'air et des frontières. Notre envoyé spécial, Alain Rodier, assistait à Orly à l'arrivée d'Hervé de Vatter. Je suis bien Hervé de Vatter. Ce sont les seuls mots que le comptable de Dassault a prononcés en descendant de l'avion tout à l'heure à 11h30. Tout s'est d'ailleurs passé très très vite. Des officiers de la police judiciaire de Paris attendaient Hervé de Vatter au pied de la passerelle et ils l'ont emmené sans autre formalité. Après 2 mois de cavale en Grèce, dans un camping de l'île de Corfou, Hervé de Vatter se livre donc à la justice. Coïncidence heureuse, ce 8 septembre est également la date choisie par Marcel Dassault pour intervenir à la télé. L'interview débute par quelques mots sur son ancien collaborateur. Monsieur de Vatter a travaillé avec moi pendant 24 ans. C'était un chef de service de grande qualité, très intelligent, connaissant admirablement son métier. Et puis, un jour, en rentrant chez lui, il a trouvé sa femme morte, noyée dans une baignoire. Et cela lui a donné un coup, c'est bien naturel. Il a voulu s'étourdir, il est allé dans les boîtes, et peut-être a-t-il pris là des goûts de luxe, je n'en sais rien. Toujours est-il que le 6 juillet, il est allé à la banque, il a pris 8 millions et il a disparu. Puis M. Dassault évoque les 17 feuillets rédigés par son ancien comptable. Est-il inquiet ? En aucun cas. Hervé de Vatter n'avait pas accès aux documents de la société aéronautique. Ceci explique cela. Alors, ce dossier, la presse, et surtout la presse étrangère, s'en est saisie en espérant trouver un dérivatif à l'affaire Lockheed. On a été jusqu'à insinuer que dans ce dossier, il y avait des photostats d'opérations délictueuses de la société des avions Marcel Dassault Breguet Aviation. Or, il n'y a jamais rien eu de semblable. Cette société travaillant pour l'État est contrôlée par les contrôleurs de l'État. Et les contrôleurs de l'État français étant aussi forts que ceux de l'État américain, s'il y avait eu quelque chose, ils l'auraient trouvé, comme les Américains ont trouvé chez Lockheed l'affaire des pots de vin. Mais j'ai une autre preuve encore plus palpable, c'est qu'on a dit à tort jusqu'ici que de Vatter était chef comptable de toutes mes sociétés. C'est totalement inexact. Il est le chef comptable d'un grand nombre de mes sociétés, mais il n'a jamais été le chef comptable de la société des avions Marcel Dassault Breguet Aviation. Autrement dit, circuler. Mais non, monsieur Dassault, l'affaire n'est pas terminée. Dans son édition du 13 septembre, soit 4 jours après cette intervention télévisée, le journal Le Point livre 2 révélations importantes sur ces 17 feuillets. Selon le journal, Hervé de Vatter y fait état de largesse des Dassault en faveur d'hommes politiques en vue. notamment Jacques Chirac. Seconde révélation du journal, Vatter accuse Marcel Dassault d'avoir fraudé le fisc dans des proportions très importantes, avec la complicité de hauts fonctionnaires qu'il met nommément en cause. Face à ces nouvelles accusations, pour Marcel Dassault, c'est une fois de plus, même pas mal. Moi je crois quand même que c'est pas une mauvaise chose qu'on sache qu'il s'agit d'une affaire fiscale. Oui. Et que ça vaut mieux de dire c'est une affaire fiscale, quitte à démontrer après que c'est pas vrai, plutôt que de laisser toutes les suppositions qui ont couru dans toutes les rédactions. À mon avis, ça n'est pas inquiétant, comme je l'avais dit, c'est le moment voulu, je ferai rétablir la vérité, puis c'est tout. Maintenant qu'il est derrière les barreaux, Vatter en revanche est moins loquace. Le 17 septembre, il est interrogé pour la première fois par le juge. 6 heures d'interrogatoire dont rien ne ressort. Sur le plateau de Midi 2, les deux journalistes François Cornet et Jean Lanzy résument l'affaire. Dans cette affaire, tant qu'on n'aura pas retrouvé Jean Quay, ou s'il a été exécuté, bien c'est une affaire qui risque de ne jamais être élucidée. Moi ce qui m'étonne toujours, c'est que une personne, même importante, même ayant en main de gros intérêts financiers, puisse perdre 8 millions de francs et ne pas porter plainte, et retirer sa plainte. Enfin, n'en disons pas plus. Mais de son côté, Le Point poursuit ses révélations. Le 17 octobre, sous la plume des journalistes Jean-Marie Ponto, Marie-Thérèse Guichard et Jacques Duquesne, on découvre dans l'hebdomadaire le fac-similé des fameux feuillets de Vatter. Le style du comptable est pressé. Les mécanismes évoqués sont souvent complexes. Néanmoins, les conclusions sont explosives. Par exemple, Hervé de Vatter explique que la société d'avions Marcel Dassault-Breguet, qui use des avances de l'État, paie à la société mère, la Générale Immobilière Marcel Dassault, des droits de licence exorbitants qui, selon le comptable, reposent sur des prototypes inexistants. De plus, le constructeur aéronautique paie des loyers très élevés à la dite société mère. Enfin, toujours selon les confidences d'Hervé de Vatter, Marcel Dassault aurait tendance à mélanger ses comptes personnels avec ceux de ses entreprises. En résumé, le comptable accuse son patron d'avoir poursuivi une politique d'appauvrissement systématique des actifs de ses sociétés qui utilisent des fonds d'État au profit des autres sociétés. L'addition de ces sommes soustraites au fisc atteindrait plus d'1,5 milliard de francs nouveaux. Ces accusations sont-elles fondées ? Non, bien sûr, répond Marcel Dassault sur France Inter. Il y a eu un contrôle fiscal depuis 4 mois, précisément sur les points signalés par De Vatter, en plus du contrôle de routine, si bien que finalement, toutes ces assertions ont été reconnues par le fisc comme totalement inexactes. Et pour moi, c'est une affaire finie. Oui, reste que 1,5 milliard de francs lourds, c'est une somme considérable. Oui, mais ça, c'est égal à zéro en réalité. Et alors, je vous dis, tout a été vérifié point par point, et absolument rien en fait d'1 milliard de francs lourds. Il n'y a strictement rien. Le patron français va un peu vite en besogne. S'il est vrai, comme le confirmera plus tard le ministre des Finances, que les principales entreprises du groupe Dassault ont été régulièrement vérifiées par l'administration fiscale, des contrôles d'ailleurs qui ont valu à l'homme d'affaires et à ses entreprises un redressement de 115 millions de francs sur 5 sociétés, eh bien, ces contrôles ont été réalisés avant les révélations d'Hervé de Vatter. Et la justice les a transmis aux finances le 1er octobre. Or, le 18 du même mois, date de cette interview sur France Inter, aucune conclusion n'a été donnée. L'affaire en restera-t-elle là ? Non, évidemment, parce que 1,5 milliard de francs nouveaux, l'enjeu est trop gros. Et l'affaire Vatter Dassault rebondit dans l'arène politique. Le syndicat général des impôts de force ouvrière est le premier à demander la constitution d'enquête parlementaire. Les socialistes emboîtent le pas et annoncent leur intention de déposer une proposition de résolution dans ce sens. Le groupe UDR à l'Assemblée nationale, auquel appartient pourtant Marcel Dassault, vote unanime en faveur de la proposition socialiste. Et toujours aussi tranquille, Marcel Dassault accepte. Est-ce une manœuvre ? Jusqu'où iront les députés pour découvrir la vérité ? quel impact l'affaire du comptable va-t-elle avoir sur le patron français, ses sociétés et sur l'État? Il y a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la faire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Casino c'est qu'un tas de pierres, ta vie tu peux pas la faire. Branche un peu tes écouteurs par ici, la mer est déjà repartie. Le vieux casino démoli, c'est fini. Pépère, t'aurais pas comme une vieille nostalgie, des guili-guili, des Bugatti, des oh la la la, des soirées de gala. Il y a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Casino, c'est qu'un tas de pierres, ta vie tu peux pas la faire. Fermez les yeux des grandes filles bleu marine, tout à Langui pour nuit de Chine, sur les banquettes de Moleskine, des limousines. Écoutez l'histoire entre Trouville et Dinard, d'un long baiser fini, c'est trop tard. Les mains sous le satin, caresses du matin, chagrin. Il y a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Casino c'est qu'un tas de pierres, ta vie tu peux pas la refaire. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. 7 jours est un hebdomadaire qui, chaque semaine, comme tous les hebdomadaires, cherche une première page, une photo de couverture. Eh bien, ça n'a pas été très difficile cette semaine. Comme Le Point le mois dernier, comme l'Observateur et l'Express dans leur numéro d'aujourd'hui, cette photo de couverture est celle de Marcel Dassault. Fraude fiscale ou non, si oui, de quelle importance et quels redressements ont été décidés par le fisc? Depuis que l'affaire a éclaté à l'initiative de l'un des comptables de Marcel Dassault, Hervé de Vatter, la justice a-t-elle agi avec assez de rapidité? Et puis, les intérêts d'une firme qui monopolise la fourniture des avions de l'armée de l'air française sont-ils bien différents de ceux de l'État pour certains marchés, pour certaines exportations? Autant de questions qui n'ont pas enlevé son sourire à Marcel Dassault. En l'espace d'un mois, le remangard autour du comptable de Marcel Dassault, Hervé de Vatter, est devenu une affaire d'État. Pour les journalistes Bernard Guetta et François-Henri de Virieux, du Nouvel Obs, elle se résume à deux problèmes. Le système fiscal français et les liaisons dangereuses entre l'État et les hommes d'argent. Tout le système fiscal français est d'ailleurs conçu pour que les sociétés, et notamment les plus grosses d'entre elles, puissent échapper légalement à l'impôt sur les bénéfices. Autrefois, tout bénéfice réalisé était passible de l'impôt. Depuis le vote de la loi Giscard en juillet 1965, il est possible d'éponger les bénéfices de certaines filiales par les pertes d'autres. C'est le régime dit de l'intégration. Marcel Dassault, on le voit, n'a même pas besoin de frauder. La fiscalité française est une fiscalité de classe, douce à ceux qui détiennent le vrai pouvoir. C'est la loi. Une loi que Marcel Dassault a fabriquée, avec sa voix de député UDR de l'Oise, mais surtout avec tous les députés qu'il a fait élire en finançant leur campagne, avec les ministres qui lui doivent leur situation politique. n'est-ce pas lui, Dassault, qui choisit les avions de combat qui sont bons pour la France et les fait acheter par l'armée de l'air, lui aussi qui fixe le montant des subventions de recherche que le ministre de la Défense devra verser à sa société, État-providence, État-client, État-fournisseur, tout l'appareil public est au service de ce capitaliste privé. À gauche, on saute sur l'occasion, d'une part pour demander la nationalisation du groupe aéronautique Dassault-Breguet, d'autre part pour pointer l'incompatibilité entre les fonctions industrielles de Marcel Dassault et son mandat parlementaire. À droite, au contraire, tout est fait pour sauver le compagnon Dassault. Si l'UDR accepte l'idée d'une commission d'enquête parlementaire, ce n'est en rien une capitulation. Le 27 octobre 1976, Jacques Limousie, rapporteur du Parti gaulliste, propose l'adoption d'un amendement qui prévoit la création d'une commission d'enquête chargée d'examiner non pas seulement l'utilisation des fonds publics alloués aux sociétés du groupe privé Marcel Dassault, mais d'examiner, je cite, « les conditions dans lesquelles ont été utilisés les fonds publics et parapublics alloués aux entreprises privées ou publiques de construction d'aéronefs, d'engins et matériel aéronautique ». Dassault serait une personnalité auditionnée parmi d'autres. Bien. Sauf que le gouvernement annonce son refus de lever le secret fiscal. Dès le début donc, la commission a du plomb dans l'aile, comme l'explique le député communiste Robert Mondargent à la tribune de l'Assemblée le 3 novembre. Les communistes ont demandé une commission d'enquête sur la fraude et l'évasion fiscale des sociétés Dassault. Ils agissent pour que la vérité soit faite. Nous savons que la vérité ne viendra pas du pouvoir. La majorité elle-même en apporte la preuve en prétendant élargir à l'ensemble de l'aéronautique l'objet de la commission d'enquête. C'est là une opération pare-feu, une façon démagogique de noyer le poisson, en effet. Et en l'occurrence, il s'agit d'un requin. Jacques Limousie, le rapporteur UDR, lui répond. Quand vous vous étonnez de certaines extensions, vous oubliez de dire que c'est vous-même, dans votre proposition de résolution, qui m'avez mené pas à pas à ces conclusions. Par conséquent, ne vous étonnez pas qu'en ajustant mal votre tir, vous ayez précisément blessé les voisins, et ne me faites, c'est-à-dire les sociétés nationales, et ne me faites pas porter le chapeau, car il suffisait de lire ce que vous m'avez donné à lire. Par conséquent, ce n'est pas moi qui ai trahi dans cette affaire. Malgré cet échange musclé, une majorité de députés vote en faveur de la commission d'enquête. Celle-ci ouvre ses travaux le 10 novembre 1976. Vingt-trois séances, 71 heures, 32 auditions de 50 personnes, dont celle de Marcel Dassault, qui se déroule le 19 janvier 1977. Mais aucun reportage sur les antennes publiques n'en fait état. Après quelques semaines de tumulte, l'affaire Dassault quitte les kiosques à journaux. Elle redevient une affaire de chiffres et d'initiés. Ce que l'on sait de l'audition de Marcel Dassault tout de même, c'est que l'homme de 84 ans a été brillant. Il a expliqué ses affaires, donné des chiffres et même évoqué ses échecs. À l'une des questions du communiste Mondargent, au sujet du projet abandonné d'avion à décollage vertical qui a coûté près d'1 milliard de francs, l'illustre PDG répond par cette simple phrase: il aurait été aussi un très bel avion. Les travaux de la commission se concluent le 24 février. Un rapport de 180 feuillets fuite dans la presse. Dans le journal Le Monde, l'un des rapporteurs résume l'enquête par cette formule: pas de scandale, mais des problèmes. Des problèmes, oui. Parmi eux, ceux évoqués par Hervé de Vatter. Dans l'article, on peut lire que certains parlementaires ont acquis la conviction que le groupe aéronautique Dassault-Breguet reversait depuis plusieurs années des droits de licence ainsi que des loyers indexés d'immeubles ou de terrains industriels à la générale immobilière Marcel Dassault, une société à l'abri de toute investigation. Pour résumer, Dassault louait à prix d'or des bureaux à sa société dont l'État est actionnaire. Alors, que répond Marcel Dassault? Oh, je n'ai jamais dit que Vatter avait tort sur toute la ligne, dit-il, cocasse. Secret fiscal oblige, on ne saura rien des vérifications ordonnées par le ministère de l'Économie et des Finances à la suite des révélations de Vatter. Et qu'arrive-t-il au comptable, au fait ? Eh bien, le 30 mars 77, alors que le rapport de la commission n'est pas encore rendu public, son procès commence. Ouverture du procès de Vatter cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris. Procès ultra rapide puisqu'il n'y aura qu'une seule audience en principe. L'ancien financier de Dassault qui a délesté son patron de 8 millions en juillet 76 est inculpé d'escroquerie. Il risque 5 ans de prison, mais il plaidera non coupable. L'ambiance est détendue. Le prévenu Hervé de Vatter et sa victime Marcel Dassault se saluent d'un geste de la main et échangent des sourires. Oh, voilà bien longtemps que le patron a pardonné à son ancien collaborateur. A-t-on appris quelque chose durant ce procès ? Pas vraiment. Au sujet du dossier qu'Hervé de Vatter avait constitué et qui a disparu avec l'argent du patron, le prévenu répond qu'il n'a aucun intérêt. Non, non, c'était pour moi le moyen de me délivrer d'émotions trop violentes. C'est le fruit d'une décharge émotive, dit-il. Les journalistes présents sont déçus. De la disparition de l'argent, des ambitions de Jeanquet, de la véritable raison de cette escroquerie, on ne sait toujours rien. Hervé de Vatter est finalement condamné à 4 ans de prison et 10 000 francs d'amende. Sur le plan politique, le rapport de la commission est rendu public un mois après le procès. Face au contrôle des aides publiques, à l'emploi des deniers publics, le remboursement des aides, les choix stratégiques discutables tant dans le domaine civil que militaire du secteur, le Conseil des ministres du gouvernement de Raymond Barre annonce une participation dans le capital de la société Marcel Dassault-Breguet Aviation. Une formule qui assure à l'État ce qu'on appelle une minorité de blocage. Trois ans plus tard, l'homme par qui est arrivé le scandale quitte la prison de Fresnes, donc avec une remise de peine d'un an, à laquelle Marcel Dassault ne serait pas étranger. Oui, il aurait demandé la clémence de son ami le garde des Sceaux. À sa sortie, Vatter est entré dans un cabinet d'experts comptables de Ville d'Avray. Il a retrouvé sa vie, tranquille, ordonner sa vie de comptable. Écoute, on va changer de lit, changer d'amour, changer de vie, changer de jour. Oh, oh, oh. T'endors sous mon piano quand je joue. Oh, oh, oh, oh. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Vatter d'Assaut avec notre invité Jean-Marie Ponto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct des studios de France Bleu RCFM à Ajaccio. Alors vous êtes une grande plume du Point et de l'Express, hein, en 76. Vous faites partie des journalistes qui ont publié les feuillets rédigés par Monsieur de Vatter, publication qui vous vaudra des ennuis d'ailleurs, nous y reviendrons. Vous êtes également l'auteur avec Philippe Broussard du livre intitulé Les grandes affaires de la Ve République, livre dans lequel vous revenez sur cette affaire d'Assaut Vatter. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être pour prolonger ce que nous avons dit dans le récit, rappelez-nous ce que représentait Marcel Dassault à l'époque des faits. Qui était-il? Quelle était l'étendue de sa puissance et de sa fortune? Oh, c'est un énorme empire. C'est un personnage comme on n'en existe plus vraiment maintenant, parce qu'il était un énorme industriel très très célèbre, qui avait donc inventé les avions, qui avait créé l'entreprise Dassault. Vous avez rappelé les différents avions, les commandes de l'État, le Rafale, les avions qui étaient en concurrence avec les Américains directement. Mais en même temps, il était, ce que ne serait plus maintenant, je crois, un industriel, il était un homme public, c'est-à-dire un homme politique. Il était député de l'Oise. Il avait été même sénateur de Seine-Maritime, je crois, avant. Il a toujours été député. Et en plus, il était journaliste, puisqu'il avait créé un journal qui s'appelait Jour de France, qui était journal de l'actualité heureuse. Et il a même été producteur, parce qu'il a produit le film La Boum, qui avait beaucoup de succès. Mais c'était un homme absolument impérateur, quoi. Une star aussi, hein. Une star. Ok. Alors, l'affaire éclate 2 mois après le vol, non pas des avions d'assaut, mais de l'argent. Comment se déroule alors votre enquête? Où cherchez-vous? Par quoi commencez-vous? Parce que pénétrer dans l'empire d'assaut, ça ne va pas être simple non plus. Non, ça a été très très difficile. C'est là où on s'est rendu compte du pouvoir de l'argent. Et c'est intéressant, cette affaire m'a beaucoup touché, parce que c'est intéressant des problèmes à l'époque, enfin des blocages de l'époque, des pressions sur la presse et aussi des pressions du pouvoir sur la justice, parce qu'il faut bien dire, l'affaire a été étouffée au niveau judiciaire. Mais au niveau de la presse, au début, on a tout de suite essayé, avec Marie-Thérèse Tichard, de reconstituer la vie de Vatter. Et effectivement, comme vous le disiez, au début, ça a plutôt amusé Dassault, parce que il a dit, ben voilà, ça enlève toutes les soupçons de corruption, ça. Ça l'a beaucoup moins amusé, effectivement, quand on a réussi à obtenir les documents. Et ça, on a réussi à obtenir les documents parce que un informateur nous les a donnés, parce qu'il pensait que s'ils sortaient pas, l'affaire ne sortirait jamais, serait étouffé. Et donc, il a accepté de nous passer ces documents. Et à partir de là, il y a eu un déchaînement sur le journal. Moi, j'avais jamais vécu ça, le directeur de l'époque, Claude Imbert aussi, puisque quand on a su dans Paris qu'on avait ces documents et qu'on s'apprêtait à les publier, on a eu toute une série d'événements incroyables. D'abord, Bénouville qui a appelé directement Imbert, puis le directeur d'édition Hachette, c'est-à-dire le patron du groupe Hachette, le patron du journal, qui a appelé Claude Imbert en disant, enfin, cher ami, vous n'avez pas publié ça, c'est un voleur. Et Imbert, imperturbable, disait, bah écoutez, c'est vous qui avez porté plainte. Les documents sont là, il y a des éléments. On ne dit pas qu'ils sont vrais, mais les éléments sont extrêmement précis. Donc, on va publier. Et à ce moment, il est arrivé quelque chose qui n'était jamais arrivé au journal. C'est-à-dire que dans la nuit, pendant que le journal tournait, moi, j'étais réveillé à 4 heures du matin. Il y avait un huissier qui était dans l'imprimerie, qui a saisi un exemplaire. Et on s'est retrouvé le lendemain matin devant le tribunal avec une demande de saisie du Point. Je crois que ce n'était jamais arrivé. Imbert était royal, mais enfin, il y avait des millions de publicités dans le journal, puis c'était un événement incroyable quand même. Oui. Et ça ne s'est pas produit parce que finalement, pendant le débat, il y a l'avocat des NMPP, c'est-à-dire des presses parisiennes, qui a dit les trains sont partis sur la province, plus à peine d'arrêter, on ne peut pas arrêter le journal. Donc on a publié le journal. Alors, qu'avait-il dans ces documents rédigés par Vatter? Ben vous l'avez raconté. Il y a tout, s'il y a tout ça, c'est bon. au cas on aurait. Il y a beaucoup de choses, si vous voulez, parce que effectivement, ça porte sur la fraude fiscale, ça porte pas sur d'autres affaires. Mais c'est extrêmement précis sur la façon dont l'argent était détourné, si vous voulez. Et puis aussi, il y avait une précision sur Dassault lui-même. Il avait ses comptes étaient son chiffre d'impôt, ses impôts étaient à Cannes, ce qui était paraît-il plus pratique. Et surtout, par exemple, je donne un exemple, il racontait qu'il s'était fait construire un petit Trianon dans l'Oise, c'est-à-dire un modèle de petit Trianon, aux frais évidemment de l'entreprise, quoi. Et la précision des choses était terrible. Et le plus, effectivement, quand même terrible, c'était de dire tout ça se fait avec la complicité de deux inspecteurs du fisc de haut niveau dont ils donnaient les noms. Donc, si vous voulez, c'est important aussi ça. Bien sûr, c'est essentiel. Dans n'importe quel, normalement, c'est ce qui serait passé aujourd'hui sans l'ombre d'une hésitation. La justice aurait été saisie, le fisc, le ministère des Finances aurait saisi le ministère de la Justice. À l'époque, le ministère des Finances avait l'opportunité de poursuivre, c'est-à-dire de décider ou non de mettre devant la justice. Et cette affaire n'a jamais été, cette affaire fiscale, n'est jamais passée devant la justice. On n'a jamais su, finalement, c'est les inspecteurs des impôts qui ont fait un rapport. Mmh. Ce rapport a été jamais rendu public. Ça aboutit à un énorme redressement, semble-t-il, qu'on n'a jamais connu non plus. On a juste eu après quelques échos, c'est-à-dire qu'on a super. Les deux inspecteurs des impôts n'ont jamais été condamnés, nous-mêmes apparemment écartés, dont l'un avait été soupçonné quand même d'avoir obtenu des prêts d'une banque proche de Dassault pour acheter des maisons à Trouville, je crois. Et l'autre, surtout, c'est un personnage incroyable parce que c'était quelqu'un qui était au cabinet de Guy Mollet en 56 et donc qui recevait les subventions probablement de Dassault. Et on a appris à cette occasion que Dassault avait loué un appartement rue de Lille à la SFIO. Il faudrait que Dassault arrosait tout le monde et qu'évidemment, à l'époque, c'était légal d'arroser tout le monde parce qu'il n'y avait pas de contrôle du financement politique. C'est aussi ce que vous avez dit. Il y avait au début, il finançait le journal électoral de Chirac qui s'appelait L'essor du Limousin, qui était offert à 25 000 exemplaires gratuitement par Dassault. Alors, à ce propos, puisque vous me parlez de Jacques Chirac, on se souvient, les plus anciens de ceux qui nous écoutent, se souviennent de l'été 76, il y a eu deux événements. Il y a eu une canicule, vous vous souvenez de juillet-août en France, on n'avait jamais vu ça. Et puis le 25 août, un truc un peu chaud aussi. Écoutez. Je viens de remettre la démission de mon gouvernement au président de la République. Je l'avais préalablement informé de mon intention. En effet, je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaire pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin. Je vous remercie. Voilà, et ça allait être le début d'une guerre de tranchées des gaullistes et néo-gaullistes contre le pouvoir giscardien jusqu'en 1981. Alors on a dit, certains ont dit que la fuite dans la presse des mésaventures de Marcel Dassault sera un coup des giscardiens pour atteindre Jacques Chirac, dont l'un des importants soutiens, notamment financiers et politiques, était Marcel Dassault. Faut-il y croire ? Écoutez, moi, c'est certain que ça ne pouvait pas profiter à Chirac la révélation de ces affaires, puisque les liens entre Dassault et Chirac sont très très connus. Même le père de Jacques Chirac était banquier, est venu travailler ensuite dans une entreprise Dassault. Je crois que c'est Dassault qui est intervenu auprès de Pompidou pour lui présenter le jeune Chirac. Donc il y avait effectivement des liens très très étroits entre Chirac et Dassault. Mais si vous voulez, nous, quand l'affaire est rendue publique, nous, on arrive, si je veux dire, tout de suite après pour essayer de trouver. Dans notre enquête, sincèrement, on n'a pas eu d'intervention, je dirais, politique. C'est-à-dire que la motivation n'était pas politique. Comme je le disais, moi, la personne qui me le donne parce qu'elle est profondément choquée. Parce qu'elle estime que de telles fraudes doivent être connues du public et qu'il est honteux qu'on puisse les cacher. Maintenant, je ne peux pas vous affirmer qu'il n'y ait pas eu de dessous politique, ou d'arrière-pensée politique, disons. Alors l'affaire éclate de façon médiatique des semaines après les faits. Donc on se demande pourquoi la justice n'a pas trouvé bon de lancer un mandat dès le mois de juillet. C'est tout de même plus simple d'attraper les voleurs juste après leur signalement, non ? C'est clair. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'est effectivement ni recherché, pas vraiment recherché Devater, puisqu'il a fini par se rendre lui-même de son île grecque. Et il y a quand même quelque chose d'encore plus incroyable, c'est Jeanquet, puisque Jeanquet n'a jamais été retrouvé, oui. C'est quand même pas impossible, et qu'il est mort, d'après ce que je sais, en 2016, dans le Tarn-et-Garonne, sans jamais avoir été interrogé. Là, on est quand même dans une volonté de ne pas voir, quoi, clairement. Je crois que ce qui inquiète, la précision, je crois que Dassault s'est rendu compte au fur et à mesure de la précision du dossier. Et que s'il y a un moment où ça a été inquiété, ça l'a vraiment inquiété. Et donc, à ce moment-là, on a mis tout en œuvre, je vous dis, pour que la presse n'en parle pas, et aussi pour que Devater revienne de lui-même, soit récupéré dans le grand giron de la famille. Alors, il y a une commission d'enquête parlementaire. Ça, c'est souvent le cas. Hein. C'est plus ou moins efficace. Quel regard vous avez porté sur cette commission d'enquête-là ? Est-ce qu'elle a servi à quelque chose ? Moi, je crois que c'est un machin. C'était incroyablement biaisé, oui. C'est biaisé parce que, encore une fois, Dassault a financé, à mon avis, à peu près tous les partis. Le financement politique, à l'époque, n'était pas contrôlé du tout. Donc, il était assez ami avec les communistes qu'il avait beaucoup aidé quand il avait Buchenwald, qui l'ont sauvé quand camp de concentration. Il était ami, comme je vous le disais, avec les socialistes, avec la CFIO. Donc, je crois que Dassault était un donateur intelligent qui donnait à peu près à tout le monde, avec quand même une préférence pour son parti qui était le RPR. Faut pas exagérer. Donc, évidemment, cette affaire a été biaisée. Et que donc ça ne pouvait pas aboutir politiquement. C'était d'ailleurs fait pour, faut être honnête, pour ne pas aboutir. Alors l'affaire aura quand même abouti sur un terrain qu'on n'attendait pas forcément, mais qui est important, d'importantes conséquences politiques et économiques, avec l'entrée au capital de la société de l'État dans la société Dassault Breguet Aviation. Ça rebelote en 81 d'ailleurs sous la pression des socialistes victorieux. Marcel Dassault a fait don à l'État de 26% des actions des avions Marcel Dassault Breguet Aviation. Je dis tout pour être précis, hein, ce qui permet à ce dernier d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Alors tout de même. Dassault n'a pas toujours pu faire ce qu'il a voulu faire en son royaume, parce que c'était pas son royaume, et l'État était là pour lui rappeler. Et cette affaire-là était la première intervention de l'État de cette nature, non ? Mais je crois que c'est la première fois qu'on voyait dans le détail, quand même, c'était terriblement troublant, dans le détail, comment un industriel, à la fois industriel et homme politique, était capable de frauder, enfin, on n'a jamais pu prouver, parce qu'on n'a jamais su ce qui s'était passé vraiment sur le plan de la fraude, mais comment une société de ce niveau-là, avec à la tête un homme qui était en même temps un homme public et un parlementaire, était capable de biaiser l'État. C'était quand même, les révélations précises de Devater sur, comme vous l'avez rappelé, 1 milliard quand même de francs de fraude fiscale, ce qui n'est pas rien, était considérable. Donc ça a effectivement quand même probablement calmé l'ardeur des fiscalistes de chez Dassault, et ça a amené le pouvoir à mieux contrôler. Mais en même temps, Dassault, qui est une société qui réussit formidablement bien, n'a jamais été nationalisée. Je crois qu'elle l'a été juste en 1936, puis ça a été ensuite revendiqué. Et même, effectivement, en 1980, Mitterrand, la gauche, n'a pas nationalisé Dassault, pensant qu'elle marchait mieux comme ça. Mais ce qu'on voit vraiment là, à travers cette affaire qui est quand même complètement rocambolesque, cet homme qui est un homme parfait, qui tout d'un coup perd la tête avec un aventurier, qui le fait chanter, parce que Jeanquet le fait chanter, lui dit si tu vous ne donnez pas 800 millions, vous ne retrouverez jamais le dossier. Et d'ailleurs, le vrai dossier, l'authentique dossier, donc avec toutes les précisions, on ne l'a jamais retrouvé. Ah oui, parce qu'on peut imaginer qu'il y a peut-être encore des différences entre les deux versions. Oui, moi, ce que j'ai récupéré, c'était 16 feuillets écrits à la main, alors qu'avec des écritures de comptable, vous savez, c'est-à-dire qu'il racontait chaque affaire, ensuite, à la fin, il donnait le total des détournements, et puis il récupérait tout ça, il donnait ensuite, effectivement, comme je l'ai dit, les noms des aux fonctionnaires, il donnait ce qu'ils avaient, à quelle banque. Donc c'était aussi important que l'original, j'imagine, finalement. Oui, sauf que l'original, c'est un énorme dossier. C'est vraiment un vrai dossier avec des documents. Si vous voulez. Donc là, on était sur des suppositions très, très étayées, mais suppositions. Et vous rappeliez le procès, effectivement, le procès de Devater. Le président faisait parce que Devater, donc, était poursuivi, lui, pour escroquerie et je crois, détournement de fonds. Mais il n'était pas poursuivi pour le fiscal. Et le président a passé son temps à dire, mais le dossier fiscal, ça n'a aucun intérêt, il n'y a rien dedans, on ne va pas s'apesantir là-dessus. Et comme Devater était d'accord, ben finalement, on a étouffé l'affaire et ça a eu une conséquence probablement sur le statut de la société Dassault. Alors, que retenir en conclusion de cette affaire? Je veux dire, poser la question plus précisément, de quoi est-elle le symbole et si elle est le marqueur d'une époque, quelle époque? Écoutez, moi, ce qui m'a quand même marqué, d'abord, je le disais, c'est les pressions sur la presse. On n'avait jamais eu des pressions comme ça. Que quand même, le directeur du journal, imaginez aujourd'hui, quand même, appelle en demandant qu'on ne publie pas un texte et qui est une demande de saisie d'un journal, parce qu'il publiait des textes qui étaient des vrais textes. Oui. Humbert m'avait dit, est-ce que vous êtes sûr que les textes sont vrais? Je lui ai dit, je ne sais pas si ils sont vrais sur le contenu, mais sur ce qu'il y a dedans, oui, je sais que ça vient de Vatter. Et puis, je vous dis, quand même, l'aveuglement de la justice, ça c'est aussi une époque absolument résolue. Ça prouve le pouvoir qu'avait le rôle du pouvoir et des industriels et de l'argent sur la justice à l'époque qui était frileuse et qui je veux dire clairement obéissait aux ordres quoi. Et ce sera le mot de la fin, Jean-Marie Ponto. Pardon, c'est un peu brutal, mais l'heure c'est l'heure en radio, c'est comme ça. En tout cas, merci infiniment pour tous vos éclairages. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Dassault Vatter, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Michel Bézikian.